Bonjour à tous, chers auditeurs. On est bien sur Radio Gamozo dans cette nouvelle édition de Local Connection. Aujourd'hui, je reçois Grib. Comment tu vas ? Bah, nickel. Merci de me recevoir. C'est un vrai plaisir. Tu n'es pas venu tout seul aujourd'hui. Je te laisse peut-être présenter tes acolytes. Je suis venu avec mes deux acolytes, le X et le K. Les fidèles acolytes depuis le début, toujours là. Je vois. Alors, tu es rappeur, du coup. Est-ce que tu te considères comme rappeur ? Je pense pas encore. Il faut quand je serai déclaré à la SACEM et à tous ces trucs-là, je pense que je serai un vrai rappeur. Pour l'instant, c'est plus un passe-temps, une bonne occupation qui me prend pas mal de temps. Je vois. Alors, quel âge as-tu, Léo ? J'ai 20 ans. Je vais sur mes 21 ans cette année. Lourd. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à part du rap ? Je suis en licence sur Nancy, du coup, sciences cognitives, donc les sciences du cerveau, en gros. D'accord. Avec de l'informatique aussi, pas mal. Je vois. Depuis combien de temps tu fais de la musique ? J'ai commencé le piano vers mes 8-9 ans, peut-être. J'en ai fait quelques années. Et après, j'ai commencé le rap il y a vraiment, je pense, 5 ans maintenant. Ok. Ça fait 5 ans que j'écris, en tout cas, et que j'essaye de faire des freestyles. Je vois. Et vous, les gars vous, la musique, ça vient de... Ouais, depuis qu'on est tout jeune. Depuis vous êtes... Ouais. Commencé jeune, la musique. Pas directement le rap, mais c'est venu assez vite, le rap. Ouais, c'est un truc qui vous a vite, pris au... Tous les trois, on est là-dedans. Pris au trip, ouais. Ça fait kiffer à fond. Je vois. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique ? Ouais, je m'y suis remis à la batterie, là. Ah ouais ? 2-3 jours. Ah, trop bien. Acheter une batterie, tout ça. Trop bien. Okay. Bah écoute, faudra que tu passes à la maison, on jouera tous les deux. Ouais, clairement. Pas de problème. Alors, bah du coup, Léo, qu'est-ce qui t'a lancé dans la musique ? Je pense que c'est passé plutôt par l'écriture. Ok. Enfin, je jouais déjà du piano, comme je disais tout à l'heure, mais j'ai toujours eu ce besoin d'écrire ou de dessiner des trucs ou... d'extérioriser quelque chose. Ok. Et, je sais pas, c'était une façon d'utiliser les trucs que je racontais et que j'écrivais, tu vois. Mais même encore aujourd'hui, j'écris d'autres trucs, j'ai commencé une nouvelle, tu vois, j'écris aussi de la poésie des fois pour pas juste me limiter au rap, tu vois. Ok. Ouais, je pense que ça vient de là, ça vient juste du fait que j'aimais écrire et que j'ai toujours fait ça depuis tout petit. C'est un peu un aboutissement de pouvoir déblatérer ses textes, les lancer et être écouté, tu vois. Je vois, c'est lourd. Est-ce que tu pourrais être intéressé par un projet dans un autre style, carrément différent, par exemple ? Par d'autres trucs ? Genre par exemple, je t'ai dit tiens, une session jazz. Ouais. Moi, je suis très branché jazz, c'est un truc qui m'intéresse vraiment à fond. Et j'aime même les prods où il y a des samples de jazz, c'est des trucs que j'affectionne particulièrement. Et ouais, j'ai pas trop envie de... Tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, je me sens pas vraiment comme un rappeur, donc je me sens pas limité non plus dans ce que je fais. Après, le rap, c'est rythmique et poétique, donc c'est deux trucs qui me correspondent, tu vois. Genre, je suis pas un très bon chanteur, c'est un truc que je travaillerai peut-être avec le temps, mais je suis capable d'avoir un rythme et de me poser sur une prod. Et puis, la poésie, c'est un truc incroyable, tu vois. C'est au niveau de l'expression, oui, c'est une des plus belles formes. Ouais, ça permet de dire pas mal de filouterie avec un peu de beauté, tu vois. C'est vrai. D'ailleurs, tu dirais, toi, que tu fais quel style de rap ? Je sais pas si je suis... Là, j'ai sorti 3 sons qui étaient à peu près dans un, je dirais, un même style de rap. Mais j'ai pas non plus envie de me sentir limité là-dedans. Okay. Après, là, je dirais que je suis plutôt sur du... Ce qui me branche souvent, c'est le old school. Yes. Mais je suis pas fermé parce que... Même sur Nancy, là, je bosse avec des mecs qui sont plutôt sur... qui font des prods plutôt trap. Donc... ça me permet aussi de m'exercer à d'autres choses et j'ai l'impression d'être même encore plutôt dans une phase de recherche en mode je sais pas encore quel style me correspond le mieux mais j'essaye plein de trucs et c'est kiffant, tu vois. Eh ben écoute, je te propose que tu montres quel style tu fais. Est-ce que t'es chaud? Ouais, je suis chaud. Carrément. Eh ben écoute, on s'envoie ça tout de suite. Let's go. Clib, le X. They are so beautiful, we want them with us. Je reprends mes habitudes. Stop them. Aussi vite que je les perds. Je reprends mes habitudes. Aussi vite que je les perds. Je prends des risques avec une paire et je suis déçu. Triste, gère pas, gère comme déchu. Le paysage tourne plus que Yoshimitsu. Check, l'herbe prend le dessus. Tous des règles, mais le ressenti tue. Check, je titube. Avec plus de titube dans mon tel, check l'attitude en sorcelle, check le sort se scelle. Je monte sur le dragon, je suis sans cesse, je refais ce cercle sans cesse. Il me faut un son, donc faut sans cesse être patient, me stresse. Check, ma passion pèse, rééquilibre la pêche, creuse les hypothèses. C'est pas du rap, c'est une thèse, j'en ai rien à foutre que ça te plaise. J'émane de la prod, je suis trop à l'aise, je m'en fous d'être trop balèze. Check, je mise plutôt sur le smart, check, je me joue mes cartes. Une paire de deux, R2D2, je projecte les fichiers. Le temps reste figé. Et je découvre d'incroyables planètes sur votre la night. Tu comme comète, survent par l'art, je suis trop honnête. Ouais, y'a des trucs meilleurs que d'autres. Je dis pas que je suis meilleur que les autres. Je dis juste qu'en tangle la langue, quand truc est crémeux comme de la mangue, check, check. Quand truc est crémeux comme de la mangue, check, check, check. Check, je suis le gribouilleur, le gribouillant. Check, je suis le griptouilleur, le grippensant. Check, je suis le gribouilleur, le gribouillant. Check, je suis le griptouilleur. Le grip en sang, check. Check les stories sans histoire. Il se crée une autre vie pour y croire. La bière et l'autre vie vont se boire. J'allume monter le soir dans le noir. Je fais que monter comme pour y voir. Faut que leurs nombres sont juste illusoires. On nous montre l'argent et la gloire. Mais c'est que des saletés d'unique voix. J'enfile une tunique noire. Des lunettes rondes et chasse les fakes. J'envoie des ondes et je touche des têtes. Aller sur Mars, une idée de con qui sent pas bien chez lui. Fuck d'avoir qu'un seul don. Foutre la merde et puis fuir. Moi j'ai les techniques, la tactique. Toute une clique et de la zik. Ouais, je fais ça bien, je m'applique. J'ai la couleur, j'ai les pics. Mon flow a le parfum atypique. Défile les lois de la physique, ouais. Je fais ça bien, je m'applique. Je fais mes bacs, ouais, je me réplique. J'ai les punch, les bonnes répliques. Je tourne en boucle, je suis hypnotique. Je fais mes rondes, tout bien statique. Je tourne en boucle, je suis hypnotique. Je fais mes rondes, tout bien statique. Je tourne en boucle, je suis hypnotique. Je tourne en boucle, je suis hypnotique. Check, check, check, je suis le gribouilleur, le gribouillant. Check, je suis le griptouilleur, le grippensant. Check, je suis le gribouilleur, le gribouillant. Check, je suis le griptouilleur, le grippensant. Lourd, lourd, lourd. NLX. Lourd. C'est celle-là, la prod, du coup, t'as pris les droits? Ouais, c'est ça. Mmh, c'est les propres d'ouf, celle-là. Ouais, j'ai la licence. Je peux le vendre à encore une autre radio. Franchement, ouais, c'est... je l'avais jamais écouté, le couplet-là. Ah, il est tout droit sorti du four. Tout droit sorti du four. Je l'ai fait la semaine dernière. Sans du refou. Spécialement pour Radio Gamozo. Eh non, c'est pas vrai. Bah, c'est en exclusivité. Ah, c'est magnifique, magnifique. Que dire de plus? Pourquoi tu as choisi, du coup, de t'exprimer avec le rap? Je sais pas, je pense que c'est une bonne façon d'exprimer ses idées. Ça vient quand même, le rap, c'est à la base un mouvement alternatif. Maintenant, c'est très populaire et c'est diffusé partout, mais ça a pour but un peu de revendication. Je revendique pas grand chose, moi je suis plutôt sur le côté poésie, mais ça permet de, je sais pas, de dire plein de choses, quoi. C'est... Ouais, c'est un bon exutoire. Ouais, c'est un bon exutoire. Je vois. Du coup, tu m'as dit que tu jouais du piano, mais ouais. Est-ce que tu t'essayes peut-être à d'autres instruments? Peut-être un didgeridoo, ouais, par exemple. Ouais, le didgeridoo. C'est vrai, j'ai une petite maîtrise du didgeridoo. Par exemple, ouais. Faire des sons un peu psychédéliques, bizarres. Tu vois. Mais ouais, j'ai essayé de faire aussi quelques instrus. Bon, je suis pas... J'ai pas l'impression... J'ai plus de plaisir à écrire et à kicker qu'à faire des prods, mais mes petites bases de piano me permettent aussi d'essayer de trouver des fonds de prod, des suites de notes, des suites d'accords. Je sais pas, c'est un apprentissage un peu constant, la musique. Ouais. Le piano, c'est un truc où je me rends compte qu'il y a des milliers de trucs à apprendre. C'est ultra large. Là, en ce moment, je bosse des accords de jazz et je sais que je peux les réutiliser soit pour faire de l'impro, ce que j'ai toujours voulu faire et que j'ai jamais trop réussi à faire. Faire des petits buffs. Avant, ah bon, ouais, des petits buffs. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais de quoi je parle. je pense que je peux m'en servir pour des prods derrière des trucs. C'est top. Ouais. C'est top. Est-ce que t'entraînes ta voix, ton souffle, par exemple? Je pose la même question à Gabi, du coup, parce que je sais que toi tu te connais si fort. Est-ce que vous avez des petits exos, des trucs pour vos voix, vos souffles? Bah déjà, faudrait moins fumer entre chaque record, ça serait vraiment cool, ça nous aiderait vraiment à pas faire 1000 prises à être essoufflé. Ça, non, je veux bien le croire. Comme limite, tu vois, genre, en gros, tu fais ta... Comme n'importe quel instrument, je pense, genre, vraiment, quand tu le kiffes, au final, c'est plus t'en fais, plus t'y arrives, et genre, si tu le kiffes vraiment, le morceau que tu vas faire, et bah, ça va aller tout seul. Ouais, tu vois, non, tu vois, il y a, y a un certain feeling qui se met en... Je suis d'accord avec toi. C'est plus quelque chose un peu de... d'inconscient, presque. C'est-à-dire qu'on s'entraîne à avoir le souffle parce que on est toujours à kicker ensemble dans des voitures dehors avec juste une instru et on finit par y arriver parce qu'on l'a répété 10 milliards de fois ensemble et que du coup tu sais comment gérer ton souffle. Mais c'est un truc que j'ai encore, je pense, et même qu'on a encore à apprendre et à maîtriser, c'est un truc hyper important. Je vois. Qu'est-ce qui inspire tes écrits, tes textes? Je sais pas, je pense que c'est ce que je vis. Mm-hmm. Après, il y a toujours ce truc-là, notamment dans le rap, un peu d'exagération. Mm-hmm. D'embellir un peu certaines choses, ouais, ou de les exagérer. Mais j'ai eu ce truc-là aussi parfois d'écrire des trucs que j'avais pas vécu et de les vivre un peu plus de temps après, tu vois. Donc ça me permettait de les valider, tu vois. Mais ouais, c'est... J'ai l'impression que depuis 5 ans, j'écris la même chose, mais que c'est juste la forme qui... Ouais, je vois, le fond reste... Le fond reste souvent un peu le même, ouais. Et c'est la forme qui change au fur et à mesure du temps. Je vois. Comment et avec qui tu travailles tes sons, du coup? Bah, avec qui, je pense que j'ai ma petite rapport. Ouais. Là, il y a déjà les deux Lascar, là. Mais ouais, on commence à être... un peu plus, là. J'ai fait quand même aussi quelques connexions sur Nancy. Mm-hmm. Notamment deux mecs, alors là la première prod c'est pas une d'eux, mais Spish et Eazy-E, qui sont, si j'ai l'occasion de refaire quelque chose, on entendra sans doute leur production. Donc je bosse souvent avec eux, j'ai aussi, là ça va un peu plus loin que le musical, mais j'ai aussi un pote avec qui je bosse sur peut-être des futurs clips ou des trucs comme ça, où on bosse sur l'image, sur du fond vert, on s'amuse bien, c'est assez marrant à faire. Excellent. En parlant de clips, justement, est-ce que tu as des petites, tu vois, genre des petites idées? Ouais, des petits trucs ou des trucs un peu fous comme t'en as le... Ouais. Secret, tu vois. Je pense que j'ai pas trop envie de rentrer dans les schémas classiques de clips de rap. Ouais, tu vois. Avec un mec et des nanas partout, de l'alcool et des trucs... Bon, après, des fois, c'est bien fait, hein. C'est marrant à voir, mais j'ai pas trop envie de vendre ma tronche, tu vois. Ok, tu veux vendre ta musique? Non, tu veux faire de la musique. Ouais, je veux faire de la musique. Pas qu'on voit ta tronche. Ouais. Et aussi, enfin, je sais pas, j'ai plein d'idées, des plans en drone au-dessus des Vosges, c'est quelque chose d'assez intéressant. Bosser avec des fonds verts, créer des atmosphères un peu étranges, des trucs qui se voient pas trop, quoi, que ça sorte un peu. Donc ouais, j'ai quelques idées, on a commencé à prendre quelques plans, c'est un peu des maquettes en fait de clips, j'ai pas envie de clipper comme ça tout de suite, mais ça donne plein d'idées. Je vois. Voilà. Je vois. Une petite question qui est pas du tout dans mes questions, mais que je vais te poser quand même, c'est qu'est-ce que ce serait ton rapport à l'art, en général? Rapport à l'art, je sais pas, je pense que c'est un moyen de s'exprimer. Je sais pas, c'est compliqué de définir l'art. C'est un truc aussi un peu universel, qui fait que tu peux... je sais pas, moi je me souviens petit avoir écouté des rappeurs américains sans comprendre ce qu'ils disaient, ça m'empêchait pas de kiffer et de sentir le rythme, les flows, tous ces trucs-là. Donc... ouais, je sais pas, c'est de la création. J'ai pas trop envie de... Tu sais que t'es un peu obligé de le faire quand t'écris des trucs, c'est-à-dire un peu... Bon, ça va, c'est pas très beau, mais moi j'appelle ça un peu se toucher, tu vois, genre un peu relire ce que tu faisais et interpréter toi-même. Mais je pense que c'est pas spécialement nécessaire, faut laisser... Moi je fais un truc, je sais pas si je suis vraiment un artiste, mais c'est aux autres de dire si ça l'est ou pas, tu vois, en interprétant des trucs dessus. Ouais, donc je réfléchis pas trop à ce qu'est l'art, je fais juste mon truc et... Voilà. Tu te concentres sur ce que t'aimes faire. Ce que j'aime faire. Ouais. Alors, quels seraient vos ou tes projets, du coup? Un album, des EP Je m'étais longtemps fixé l'idée de faire un EP. Mais j'aimerais bien partir sur un album quand même. Ouais, c'est voir un peu loin, parce que j'aime bien aussi faire les choses petit à petit, en mode déjà là en ce moment je suis en train de faire même tout ensemble de la recherche, c'est-à-dire qu'on fait plein de maquettes, on enregistre plein de trucs, okay. Et après on réécoute, on améliore, on prend les trucs qu'il y a de bien, et une fois qu'on peut avoir une dizaine de sons, ça serait bien d'avoir une adaptation concert, okay. où j'espère tu pourras participer, Luigi. Carrément, et moi je suis chaud. Hein. Et après, je sais pas, faire partager ça un peu partout, faire des concerts, faire des trucs, ça serait incroyable. Faire un peu de moula de façon à pouvoir réinvestir dans du matos, dans des trucs. Voilà. La base. Oui, du coup, adaptation concert, donc forcément en acoustique, forcément non, mais en acoustique du coup. Ouais, acoustique, ouais. Donc j'aimerais bien avec un gratteux, une basse, ouais. Un batteur. Ouais, si je pouvais avoir que des instruments, ça serait vraiment cool. Il y a en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de sessions, même maintenant avec des rappeurs. Il y en a une qui, de Mac Miller, où il est qu'avec des instruments et ça fonctionne super bien. Par exemple, Lumpa, la Motor Brass, c'est que de l'acoustique. C'est que de l'acoustique. Le vinyle est fou, quoi. Et ça marche très très bien. Tu aimerais faire de la musique ton métier ? En vrai, oui, ce serait un kiff, tu vois. Mais je vois plutôt ça comme une option pour l'instant, tu vois. Okay. En mode, si ça roule, si ça marche pas, j'ai d'autres plans, j'ai d'autres trucs. Je le fais plus parce que j'aime ça que dans le but de devenir le numéro un du rap, tu vois. Ouais, je m'en fous un peu. Tu veux faire ce que tu kiffes. Ouais, c'est ça, quoi. C'est ça. Tu vois. Celle-là, elle est bien. Quels sont les artistes qui t'inspirent ? Tu pourrais nous conseiller, genre. Dans le rap ou hors du rap ? Ou les deux ? Artistes en général. Je sais pas, j'aime beaucoup l'image qu'ont réussi à construire soit les Daft Punk ou même Gorillaz, le fait de pas se mettre en avant et de créer toute une atmosphère. Je vois. Où c'est juste le son qui compte, en fait, au final, c'est pas... C'est l'artistique, parce que même on regarde les Daft Punk, c'est une prestation artistique aussi. Ouais. Le Gorillaz, les clips et tout, c'est des dessins, ouais. C'est des trucs de foufou, c'est des trucs de fou furieux. Ouais. C'est vraiment une prestation artistique de par une vidéo. Ouais. C'est assez incroyable. Et après, niveau rap, alors en français, moi je suis obligé de dire Alpha One, parce que c'est le maître pour moi, au niveau de technicité, au niveau des punch, de tout. Damso aussi, tous les albums, je les ai saignés, ouais. J'ai adoré. Jazzy Bass aussi, yes. Que j'ai découvert avec les Rap Contenders à l'époque, ouais. Qui était vraiment monstrueux. Et aux États-Unis, je dirais Action Bronson, yes. dont les prods sont pour moi parmi les incroyable. Meilleurs yes. prods du monde. C'est juste incroyable. Beaucoup de samples, beaucoup, ouais. beaucoup de samples. Beaucoup de sons qui n'ont rien à voir avec le rap à la base, hein. Ouais, c'est ouais, beaucoup, ouais. beaucoup de sons qui m'ont vraiment ouais. demandé ce qu'ils font là, et tu les écoutes ça, c'est fou. Mais j'ai l'impression que ça se fait moins maintenant, ce truc-là de sampler. Alors c'est pour ça que j'ai dit Action Bronson, mais il y a aussi Joey Badass qui sample beaucoup. Mais ça se fait moins parce que c'est un truc qui date vraiment du old school, des boom bap où tu mets une vraie batterie avec un sample. Moi je kiffe ça, mais maintenant on est sur la trappe et tous ces styles de musique là, c'est des instruments numériques, en fait. C'est de la boîte à rythme. Hein, c'est de la boîte à rythme. C'est bien aussi, hein. Pas du tout le même style. Les Béruriers Noirs, par exemple, qui jouaient qu'avec de boîte à rythme. Ouais. Ils avaient pas de batteur sur scène. Hein. C'était un outil comme un autre, ouais. C'est de toute façon, la musique, c'est un peu de l'expérimentation pour moi. Faut essayer plein de trucs et c'est cool qu'il y ait par exemple, dans le rap aujourd'hui, une grande variété de sons. Il y en a beaucoup qui sont un peu, mais moi je le suis un peu dans le fond, mais qui regrettent un peu les périodes old school. Ouais. Oh bah moi pareil, hein. Moi j'ai commencé avec NTM, hein. C'est NTM qui m'a bercé dans la voiture du daron vers mes 8-9 ans, et j'aimais déjà ça. Après j'ai découvert IAM, d'autres trucs. La basse, quoi. Ouais, Et donc Gynéco aussi, donc j'étais très très fan. C'est pour ça que j'ai eu une écriture un peu salace, parce que je me rapprochais de Gynéco, mais je l'ai un peu bougé avec le temps. Parce que t'es salace. Parce que non, je suis pas salace. Je suis plus poétique maintenant, je dis des trucs salaces sans que ce soit... T'es un fieffé, bon. Léo, on le sait. Tu es élégant, tu es un salace élégant, un élégant salace. Un élégant salace. comment tu écris? T'arrives à écrire régulièrement ou tu manques des fois de... C'est selon ce qui se passe dans ta vie? Ouais, je pense qu'il y a un lien avec ce qui se passe dans ma vie, ouais. Mais quand j'ai commencé, j'écrivais moins régulièrement. Je pense que le process d'écriture que j'ai, il vient de... Dès que j'ai une idée, je la note. Okay. Dès que j'ai une punchline, je la note. Okay. Donc que je sois dans le train, même pour pas citer Damso, qu'il écrit beaucoup de ses meilleures punchlines sur les toilettes, c'est un peu le cas. C'est un lieu où tu fais juste rien, tu vois. Donc t'as des idées qui arrivent comme ça, tu notes des punchs. Et après, souvent, je repars de ces trucs que j'ai notés, de ces fragments où j'ai pas trop le temps de développer, et je redéveloppe dessus, je fais des trucs. Après, ouais, il y a des périodes où... Bon, en général, ça m'arrive de pas écrire, mais ça dépasse rarement une semaine ou deux, je pense. Okay. Donc j'ai quand même un rythme assez régulier, mais parce que je me suis pas forcé à le faire, c'est juste que j'ai pris l'habitude de le faire, et du coup, c'est un peu... intuitif maintenant, en mode si je le fais pas pendant un moment, je vais juste avoir envie de réécrire, ouais. Ouais. Parfois j'écris pas grand chose, parfois j'écris, ça défile tout seul, tu vois. Donc tu as vu écrire des textes en une fois. Ouais, en tracé direct. C'était lequel que t'avais écrit en une fois que j'aimais beaucoup, hein? Ça c'est Punchline Ferme, que je vais pouvoir faire juste après. C'est vrai? Ouais. C'est pas vrai. Si. Avec, je l'espère, les bagues de Gabi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On l'adore celle-là, on la saigne. Le concert ici dans la radio, c'est excellent. Comment dire, tu posais une petite question en rapport avec les conjonctures un peu actuelles du monde. Ouais. Le confinement t'a-t-il été bénéfique d'un côté création, par exemple? Je pense que ouais. Je pense que sur le deuxième confinement, si j'avais pas été confiné, je pense que j'aurais pas diffusé les trois sons qu'il y a sur mon Instagram. Ok. Parce que j'étais chez moi enfermé et que je me suis déterré à me dire vas-y, j'enregistre ce son là et je le poste et je travaille dessus, et j'avais peut-être plus le temps. Et surtout je pense que c'est, moi j'ai pas trop de mal à être un peu isolé. Mm-hmm. Donc c'est pas, je me sens pas spécialement impacté, et c'est même un truc qui pour moi est un peu important dans le processus d'écriture, dans la création, parce que j'ai besoin d'être un peu avec moi-même, et genre que je passe longtemps tout seul avec les idées qui me bougent en tête, et d'un coup hop, je trouve le truc et ça part. Donc ouais, je pense que ça m'a forcé un peu à être isolé, et du coup à écrire des trucs et à faire des trucs. Après, je sais pas si j'ai vraiment fait plus de trucs que si j'étais pas confiné, mais ouais, je pense que ça a eu un petit impact. Est-ce que, j'ai eu un peu ma réponse, hein, tout au long de l'interview, est-ce que tu fais toi-même tes instrus? Est-ce que tu aimerais faire toi-même tes instrus? Moi, je serais partant pour en faire quelques-unes moi-même, mais... Genre si je te file un petit coup de main, ouais, carrément. On ferait quelques instrus. Mais j'aime bien aussi le fait de bosser vraiment à plusieurs sur des instrus, ce que tu viens d'évoquer là. Donc j'ai plein de potes avec qui on se passe les instrus en boucle, on essaie de bouger des petits trucs, c'est une espèce de discussion un peu... Un petit mastering de l'instru, quoi, au final. Ouais, après, si on parle vraiment de mastering de son, j'ai pas encore de gens qui savent faire du mastering, donc je passe une annonce. C'est trop chiant, hein, c'est trop compliqué. Hein. En vrai, ça se fait pas mal, hein, mais faut savoir les petits trucs. Ouais. Il y a deux ou trois trucs. Après, j'ai envie de te dire, tuto YouTube, ça marche très bien. Ouais, ça marche aussi, c'est vrai. Mais disons que... On fait tout maintenant avec YouTube. Il y a un... Faut avoir le temps de tout faire. Ouais. Ouais. Il y a un espèce de truc où... en fait, je me rends vite compte que... j'aime beaucoup cette phrase-là. Tout seul, je suis très rapide, mais à plusieurs, je vais beaucoup plus loin. Ouais. Genre, ça me permet de diviser les choses que je suis censé faire et me concentrer plus sur ce que moi j'aime faire, c'est-à-dire écrire et kicker. Même si je pouvais ne serait-ce que juste écrire, ça m'embêterait pas, tu vois. Même si j'écrivais pour quelqu'un d'autre, ça m'embêterait pas spécialement. Je vois. Donc ouais, le mastering par exemple, c'est un truc j'ai pas spécialement envie de le faire, tu vois. Okay. Genre j'aimerais bien que quelqu'un se délègue pour le faire à ma place, ouais. Ou même faire des prods, tu vois. J'aime bien le faire, mais j'ai pas envie de faire que ça, tu vois. Ça se comprend, enfin, c'est bon. Quand on parlait d'art tout à l'heure, d'où viennent tes visus pour tes vidéos sur YouTube? C'est des photos que j'ai prises. Ok. C'est des vraies photos que tu... Ouais, que toi, t'as c'est des vraies photos que j'ai prises, que j'ai remodifiées bien sûr derrière avec plein de trucs. La première, c'est une photo à Belle-Île-en-Mer en Bretagne. Ok, lourd. Donc j'ai rajouté derrière une espèce d'aurore boréale qui n'existait pas, et j'ai mis du mouvement sur la mer avec une petite appli, je sais même plus le nom de l'appli, je fais ça assez vite. La deuxième, c'est une photo chez WAM. que pareil, j'ai remodifié avec la même appli. Et la troisième, c'est une photo d'un arbre qui est dans les Vosges. Donc c'est, ouais, c'est que des photos que j'ai prises moi un peu sur le vif, sans me dire que ce sera utilisé pour ça, mais que j'ai retrouvé. Je me suis dit, ouais, ça illustre bien ce que je veux faire. Donc je les ai réutilisées. Puis je me suis dit qu'avoir ne serait-ce qu'un tout petit visu, c'est déjà un peu plus marquant, tu vois. Bah ouais, en plus, franchement, ils sont sympas, tu vois. Moi, je suis resté, celui avec l'arbre, là, je suis resté une demi-heure dessus. Hein. Oui, il fait phasé un peu. Ah, je suis resté une demi-heure. Il fait mal au crâne. Le son était fou. Moi, j'ai mis le son en boucle pendant une demi-heure. Hein, je l'ai mis direct. Ah, ça fait plaisir. Eh ben, écoute, on arrive du coup sur la fin de cette édition de Local Connection. Aujourd'hui, j'étais avec Grib et ses acolytes. Bah, merci de nous avoir accueillis. C'est un réel plaisir de vous accueillir dans le studio. Et ben, écoute, merci beaucoup. On va se mettre le dernier son qui nous reste. Allez. Et on s'arrête là-dessus. C'est parti. Eh ben, écoutez, à la prochaine. Merci beaucoup. NLX. Punchman ferme comme Punchman fils. Scooby-Doo flaire la piste. Doupé tout rempli de shit. Boucher double, j'écris la suite. Dans le futur, bonnes augures. J'fais bonne figure, mais c'est dur. J'allume en pur sur Dalaran. J'ai pas d'armure, j'ai Marie-Jeanne. Mi Gandalf, mi Dumbledore. J'ai pas le temps juste de mes sorts. Mon rap t'amande, j'suis ratamande. Puissance antique, mouvance quantique. Koro sensei dans mes koros, s'en est passé. J'suis pas requin ni du matin. Check à demain avec Satan. J'aime bien demain. J'attends. J'aime bien demain. J'attends. Vêtements contents. J'attends. J'aime bien demain. J'attends. Vêtements contents. J'attends. J'aime bien demain. J'attends. J'aime bien demain. J'attends. J'aime bien demain. J'attends. J'roule la nuit, j'ai frite étoile. J'fais du bruit et j'mets les voiles. Sur voie royale, j'fais ma toile. J'pense comme araignée. Jeune prince enfin prêt à régner. J'embrasse. J'vais pas céder. J'veux toutes mes phrases sur un CD. Depuis que j'suis né, c'est décidé. Je vais dessiner ma destinée. T'es trop kitsch, je suis trop glitch. Tu peux entendre, pas comprendre. Le flow se confond avec mes mots. Petit poisson perdu comme Nemo. Petit poison, je dilue ton vin. Je t'appelle Geoffrey, c'est la fin. Tu les crois frais, c'est que des pantins. Ils ont écrit aucun refrain. Parle de musique, pense qu'au fric. C'est des mortis, je suis leur ric. Je fais pipi sur leur lyrique. Je fais pipi sur leur lyrique. Je fais pipi sur leur lyrique. Je fais pipi sur leur lyrique. Je fais pipi sur leur lyrique. J'aime bien demain. J'attends. Vêtements contents. J'attends. J'aime bien demain. J'attends. Vêtements contents. J'attends. J'aime bien demain. J'attends. Vêtements contents. J'attends. J'aime bien demain. J'attends. Vêtements contents. J'attends. Grip. Hey. NLX. NLX. Ciao.